Au moment du décès de Yasser Arafat, quatre rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite, comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'État d'Israël. Mais c'est 60 ans qui nous séparent de la paix, on s'accapare les peines. N'écoute pas si tu as peur que ton avis enseigne. Ça se passe loin d'ici, pourquoi prendre position? Ta vie est leur ici, moi je prends l'opposition. Chaque année l'ONU leur dit de partir loin de là, mais les ricains ne signent pas les traités de la loi. On ne méprise personne, encore moins les religions. Israélien, tu n'es pas chez toi, rejoins ta maison. Pourquoi tu parles de résistants mutés en bombes humaines? Pas de sionistes qui marchent sur les débris d'une maternelle. Si je porte le képier, c'est que je suis pour la paix. Je prie Free Palestine, je compatis à leur peine. Je ne prie pas Allah, et je ne suis pas juif. Juste un homme avec un cœur qui ne prie pas le pif. Mais surtout, ne prends pas ça comme un appel au meurtre. Prends-le comme de l'amour que je veux caler dans les mœurs. Tu défends des soldats qui tuent un plein régime. Torture de prisonniers sur le compte de la Palestine. Des pierres contre des chars, femmes et enfants massacrés. Tu fais passer la mort sur ta religion sacrée. La Palestine a faim, la Palestine a soif. L'ennemi aussi, mais de pouvoir et de chasse. Chasser le judaïsme, épurer la hiérarchie. Toi qui fais passer le sionisme sur une foi bénie. Offensive militaire dans la bande de Gaza. 10 000 morts par ici, des civils tués par là. Des soldats non punis pour des crimes bien trop sanglants. Et d'autres vont en prison sans tribunal ni jugement. Si les jugements c'est que le gouvernement fait pression, appuyé par les ricains qui ont tué l'expression. Mais dis-moi des personnes c'est quoi comparé à un bise. Le judaïsme c'est bien plus qu'une simple terre promise. Et mets-toi dans la tête qu'ils assassinent des enfants, qu'ils tuent et qu'ils nous mentent. Ces fils de pute sont pleins de sang, financés par Arthur, Patrick Bruel et toute la clique. Tuer des civils mais pour eux pas quelque chose de tragique. Défendre son intérêt, son bif et son orgueil ne vaut pas nombre de familles qui finissent au cercueil. Boycott et génocide, mensonge et propagande. Israël n'a que faire de la barbarie. Quel enchant et quel enchant.